Quand je me réveille à 4h le matin, au doux son du déneigeur de mon voisin, quand la gratte folle la déposait dans mon entrée, une grosse montagne de flocons givrait. L'hiver me fait chier. L'hiver me fait chier. Quand la nunuche du canal météo annonce une tempête avec un sourire nono, quand ça fait 1 heure que j'attends l'autobus, à moins 30 à me faire geler l'anus. L'hiver me fait chier. Quand je vois mon gros voisin, le riche avocat, partir pour 1 mois à Cuba, quand en plus il me demande de prendre son courrier, surveiller sa maison, déblayer son entrée, l'hiver me fait chier.